إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 79 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc on a commencé hier un nouveau chapitre qui est le chapitre qui s'intitule Ma ja'a fil fitan. Ma ja'a fil fitan. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été ramené comme avertissement dans le Coran et dans la Sunna à propos des tribulations et des problèmes et des tentations et des épreuves. Et on a commencé à parler de ça hier et on a parlé des deux premiers versets que le cheikh il a cité. Donc maintenant on va commencer à lire les hadiths qui ont été rapportés sur la question. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne comme premier hadith rapporté selon Ibn Amr, il dit qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa nazalna manzilan fa minna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yatanaddal aw yantadil wa minna man huwa fi jasharihi aw na'am jasharihi wa idha nada munadi إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Amr. Il dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage et nous sommes arrêtés quelque part et parmi nous certains étaient en train de faire différentes choses. À un moment donné, quelqu'un a appelé celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné pour appeler les sahaba pour qu'ils se réunissent à appeler pour que les gens reviennent vers le messager d'Allah. Alors tous ceux qui étaient éloignés ou qui faisaient quelque chose sont venus pour entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas eu un prophète avant moi excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa umma le bien qu'il connaissait pour eux et de leur avertir du mal qu'il connaissait pour eux, c'est-à-dire de leur indiquer le bien et de les avertir contre le mal. Et il dit, cette umma qui est la vôtre, eh bien, le début de cette umma, il y a dedans son pardon et son exemption. et ceux qui viendront à la fin vont être touchés par toutes sortes de, d'épreuves et de malheurs que vous allez condamner ou que vous allez trouver mauvaises, des choses qui vont, que vous allez trouver mauvaises. Et la fitna va venir, et donc elle va venir, et le croyant, quand il va voir cette fitna qui approche, il va dire, ça y est, celle-là, c'est ma fin. Cette épreuve-là, ça va être ma fin. Et Allah, il va le délivrer. C'est-à-dire, il va être délivré, elle va s'enlever, cette fitna. Puis, il va y avoir une autre fitna qui va approcher, et le croyant va dire, la voici. C'est-à-dire, c'est celle-ci qui va être ma fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui veut être préservé de l'enfer ou sorti de l'enfer et entré au paradis, alors que la mort lui vienne alors qu'il a cru en Allah et au jour dernier. Que la mort lui vienne alors qu'il a cru en Allah et au jour dernier. Maintenant on va lire l'explication de ce hadith. Cheikh il dit, أما حديث ابن عمرو الطويل كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فهو حديث عظيم وفيه من التوجيه النبوي الشيء الكثير لا سيما في زمن الفتن. Donc il dit que ce hadith là c'est le hadith qui est rapporté selon Ibn Amr al-Tawil. C'est un hadith qui est long et il dit, nous étions en voyage avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes arrêtés quelque part et c'est un grand hadith. Et il y a dans ce hadith-là beaucoup d'indications prophétiques, et donc en particulier pour les questions qui ont rapport avec les époques dans lesquelles il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés et de troubles. Et donc il dit: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا وتفرق الناس في أشغالهم وبينما هم كذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أي يحضروا للصلاة فلما اجتمعوا أخبر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الفتن لكي يستعدوا لها وأخبر أن أولها يحصل في عهده صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون المفضلة وهذه خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أو خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد هذه القرون المفضلة تحدث الشرور والفتن ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فليأتي فالثاني يجعل الأول رقيقا فتكون كل فتنة أشد من التي قبلها وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يظن أنه سيهلك فيها ثم تنكشف ثم تأتي أخرى فيقول المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي أو مهلكتي ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ما تدفع هذه الفتن. Donc le cheikh il explique que donc quand ils étaient arrêtés quelque part pendant ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les gens se réunissent pour la salat parce que les gens étaient tous séparés en train de faire chacun son affaire. Puis alors que donc il les a appelés et ils sont venus, lorsque la personne a appelé pour dire as-salatu jami'a, c'est-à-dire revenez pour soyez présents pour la salat, et lorsqu'ils se sont réunis, eh bien, il les a exhortés, il leur a parlé, et il leur a expliqué qu'ils doivent se préparer à toutes sortes de troubles et de problèmes qui vont arriver par la suite. Donc, il a expliqué que les premières épreuves qui vont arriver à son époque, puis à l'époque des Khulafa Rashidin, des Sahaba, et les trois meilleurs siècles, trois meilleures générations, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Imran ibn Hussein, il dit, les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération, puis celle qui la suit. Donc c'est les trois premières générations qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, puis après ces trois premières générations là il va y arriver beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de troubles. Puis il a dit hatta yuraqqiqa ba'daha ba'dan, c'est-à-dire que les fitnes qui vont arriver, eh bien celles qui vont arriver en premier, la première fitna qui arrive, elle fait l'autre qui suit après elle, elle va être plus dure encore. Et elle fait paraître celle qui était avant comme si elle était légère par rapport à la deuxième. Donc c'est comme si pour dire qu'elle devient de plus en plus difficile, de plus en plus grave, de plus en plus dure, ces épreuves. Et donc, chaque fitna qui va arriver, elle va être plus grave que la fitna qui l'a précédée. Et donc, le croyant, à chaque fois qu'une fitna arrive, il va penser que ça va être sa fin et qu'il va périr à cause de cette fitna. Puis, il va être délivré. Puis, il y en a une autre qui va revenir après. Et il va dire, ça y est, celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci, en voulant dire, c'est celle-ci qui va me faire périr et c'est elle qui va être ma fin. Puis, c'est pour dire donc que, il faut pas, de un, on voit que, il faut pas penser que, quand tu es dans une fitna, qu'il n'y en aura pas une autre après. Il peut toujours y en avoir une après. Donc, si tu es dans une fitna maintenant, dis-toi que, alhamdulillah, si tu restes ferme pendant cette fitna-là, bien ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a toujours une autre qui arrive après. Il y en a toujours une autre qui va arriver après. Donc, ça veut dire que tu dois toujours te préparer qu'il y a une fitna qui risque d'arriver après celle dans laquelle tu as, celle qui vient d'arriver, par exemple. Et donc c'est pour dire que on vit dans un monde pour être testé, pour être mis à l'épreuve. Et donc c'est pas une vie, comme je disais hier et comme j'expliquais hier, c'est pas un monde ou une vie dans laquelle on est là pour jouir seulement des plaisirs et d'avoir toujours du plaisir et de s'amuser et de passer du bon temps. Non, on a été créé. Et on vit dans cette vie pour être mis à l'épreuve. C'est pas le paradis sur terre, comme on dit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué par quoi on pouvait repousser la fitna lorsqu'elle arrive. Parce qu'il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées qui peuvent nous aider à être préservés de la fitna, pour éviter justement de périr à cause de la fitna et d'être pris dans la fitna elle-même. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ça, on en a vu dans les cours précédents et dans d'autres cours également, on a parlé de ça. Et le cheikh, il va mentionner dans qu'est-ce qu'il va dire après. Il dit حيث حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر ولي أمر المسلمين فإن الإمام يكون سترا للرعية وحجابا دونها يدرأ الله به الفتن فالأمة تتعاون معه ويكون لهم دولة فيخشاهم أعداءهم فمن الفتن أنه إذا جاء المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد أن يفرق أمر المسلمين ويشق العصا فإن دفع شره يكون بقتله مثل دعاة التكفير الذين يكفرون ولي الأمر والمسلمين فهؤلاء لا بد من قتلهم لإزالة شرهم لأنهم يسعون في هلاك المسلمين وتشتيت جمعهم وتفريق كلمتهم. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a incité à réunir les musulmans et à unir leurs paroles et à obéir aux dirigeants des musulmans, parce que le dirigeant des musulmans c'est comme une barrière, c'est comme une barrière pour la population et un voile qui protège contre les fitnes. C'est comme un voile ou une barrière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala repousse les fitnes qui peuvent justement toucher aux gens, toucher aux les musulmans. Et donc, la Umma, elle doit travailler ensemble avec leurs dirigeants et collaborer et s'entraider avec lui. Et donc, c'est ainsi qu'ils auront un État, un pays qui sera fort et que leurs ennemis vont craindre. Donc, parmi les problèmes et les tribulations et les fitnes, il y a, lorsque, par exemple, quelqu'un vient pour diviser les musulmans, alors que les musulmans sont unis autour de leur dirigeant, et cette personne-là, elle vient pour les diviser, et diviser les affaires des musulmans, et détruire l'unité dans laquelle ils sont. Et donc, il dit, quand cette personne vient pour diviser les musulmans, eh bien, c'est une obligation dans ce cas-là de repousser son mal, même s'il faut le tuer. C'est-à-dire, même si cette personne-là doit être exécutée. Et il donne l'exemple, par exemple, il dit, comme les gens qui appellent au takfir. Les gens, parmi les groupes de takfir, ceux qui appellent au takfir des musulmans, et qui font le takfir des dirigeants et des musulmans en général. Donc ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle les khawarij à notre époque. Donc il dit, ces gens-là, il faut les combattre, il faut les tuer pour éliminer le mal qu'ils ramènent parmi la Ummah. Comme ceux qui font partie des groupes de Daesh, ou les groupes de Al-Qaïda, ou des groupes de takfir comme ceux-là. Parce que ils font du désordre. Et ils font du tort aux musulmans. Et ils divisent les musulmans. Et ils divisent la parole des musulmans. Donc ces groupes-là, il est obligatoire de les combattre, de les arrêter. Et il dit ensuite, وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءِ يَهْتَمُونَ بِأَمْرِ الْأُمَّةِ وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَيُحَذِّرُونَهُمْ مِنَ الشَّرِّ وَمِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرُهُمْ مِنَ الْفِتَنِ وأعظمهم تحذيرا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. Donc, le cheikh il dit que dans ce hadith il y a beaucoup de bien également, beaucoup de points bénéfiques, et parmi les choses qui sont mentionnées, c'est que les prophètes, une de leurs occupations, une de leurs tâches vis-à-vis de la Umma, c'est de se préoccuper justement de qu'est-ce qui a rapport avec la Umma, et de leur indiquer le bien, où est le bien et qu'est-ce que c'est, et de les avertir contre le mal, et parmi les choses dont ils vont avertir la Umma qui fait partie du mal, il y a les fitanes, les troubles et les tribulations et les problèmes. Et donc, parmi les prophètes, celui qui a averti le plus de ces différents problèmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça c'est la tâche et le travail de tous les prophètes et de ceux qui suivent ces prophètes-là jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est une chose importante à comprendre, c'est que le devoir d'appeler au bien et d'interdire le mal, et d'appeler à l'islam, et d'appeler à tout ce que l'islam enseigne, et d'avertir les musulmans contre tout ce qui est interdit, c'est pas seulement le travail des prophètes, mais c'est le travail des prophètes et de la Ummah par la suite, après eux. C'est-à-dire que la Ummah, elle, par la suite, elle a la responsabilité de continuer le travail des messagers et des prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Parce que, il y en a qui pensent que c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait comme devoir de faire ça, puis que par la suite, c'est plus le devoir de personne de le faire, chacun pour soi, chacun s'occupe de lui-même. Mais ça c'est une fausse compréhension, c'est une erreur de penser de cette façon-là. Le cheikh il dit, وَفِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وأمور تنكرونها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر مخالفة لما كان في أولها من الخير وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان فتكون كل واحدة أشد من التي قبلها ثم بين ما تحصل به السلامة من هذه الفتن فقال فمن أحب أن يزحزح عن النار فهذا كقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقوله يزحزح يدل على الابتعاد عن النار أمر يحتاج إلى جهد فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل من ينجو منها هناك أهوال تحصل يوم القيامة تشيب الرؤوس حتى إن الأنبياء يقولون ربي سلم سلم ربي سلم ومن هذه الأهوال الوقوف في المحشر ووزن الأعمال وتطاير الصحف والمرور على الصراط لينتهي الأمر بالمسلم لجنة أو نار. On va traduire ça, ensuite on va continuer l'explication. Le cheikh il dit que les derniers de cette umma vont être touchés par des malheurs et des choses qui vont être mauvaises. Et donc c'est une annonce de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va y avoir des épreuves, des tests et des choses que yani on va condamner ou qu'on ne va pas aimer à cause du fait qu'elles sont en contradiction avec yani avec ce que les premiers de cette umma faisaient comme bien. Et donc yani c'est pour dire que les tribulations et les problèmes qui vont venir vont être de plus en plus durs vers la fin des temps. Donc si vous trouvez que celles-ci sont difficiles, dites-vous qu'il y en a d'autres après qui vont venir, qui vont être encore plus durs. Et donc c'est juste le début, hein? C'est juste le début. Et donc le cheikh il dit donc chacune d'elles, hein, est plus dure que celle qui était avant. Puis il dit, il a expliqué les choses par lesquelles on va pouvoir être épargné de ces fétanes. C'est-à-dire que même s'il y a des fétanes, et même s'ils vont être de plus en plus difficiles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en être préservé ou on ne peut pas s'en sauver. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous aider à traverser ça. Et il dit وَهَذَا كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَلَى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. Donc celui qui est sorti de l'enfer et qui est rentré au paradis, il a eu le succès. C'est le verset 185 dans Surat Al-Imran. Et زُحْزِحَ, hein, يُزَحْزَحُ, ça donne le sens du fait de s'éloigner de l'enfer. Et ça montre également quelque chose qui indique que ça prend ou que ça nécessite un effort pour s'en sortir. Donc ça veut dire que pour se sortir des problèmes et des épreuves et de l'enfer et des tribulations, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça demande de notre part des efforts, ça demande de notre part du sacrifice, hein, du travail. Il faut faire beaucoup d'efforts pour être capable de s'en sortir. Donc il y a des difficultés, il y a des épreuves qui vont se produire dans cette dunya et peu de gens vont être capables de s'en sauver. Et il y a également des événements effrayants qui vont se produire au jour de la résurrection, qui vont même faire que les têtes des gens, leurs cheveux vont devenir blancs. Hein? Même les prophètes au jour de la résurrection, ils vont dire Seigneur sauve, en voulant dire sauve-les, yani sauve les croyants. Donc c'est pour dire que c'est des moments effrayants au jour de la résurrection. Parmi les exemples de ces situations-là qui vont se produire au jour de la résurrection, al-wuquf, hein, al-wuquf al-mahshar. Qu'est-ce que c'est al-wuquf al-mahshar? C'est-à-dire le fait que les croyants ou les hommes seront debout sur le lieu de rassemblement en attendant le début du jugement, Hein? Donc tout le monde sera debout et ils attendront le jugement. Hein? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, tous les gens sont nus. Hein? Et ils sont comme Allah les a créés la première fois. Et à ce moment-là, yani justement, Aïcha radiallahu anha a dit, et les hommes et les femmes sont mélangés et puis ils se voient, yani, ils sont nus comme ça, de cette façon, yani, comme si on voulait dire comment est-ce que c'est possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha radiallahu anha en lui disant, l'heure sera beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire, ce sera beaucoup plus grave que de penser à regarder les autres, hein? Parce que ce sera un jour tellement terrible, personne ne pensera à ce genre de choses. Et c'est, chacun a peur pour lui-même, puis c'est pas seulement ça, il y a des choses que les hommes vont voir, les femmes vont voir ce jour-là, qui seront tellement effrayants que chacun sera trop occupé par son propre sort, hein, que de penser à ce genre de choses. Et il dit le cheikh ensuite que aussi il y aura le fait que les œuvres seront pesées. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Donc les œuvres seront pesées sur les balances. Il y aura les livres qui vont être remis à chacun d'entre nous selon ses œuvres, qu'est-ce qui est écrit dans son livre. Il y a le fait de passer sur le pont, il y a un pont qui sera mis sur l'enfer et on va en reparler. Et à la fin, la conclusion, c'est que chaque musulman, hein, va avoir sa destination, soit le paradis ou soit l'enfer. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc le cheikh il dit والصراط هو جسر على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا والنبيون عليهم الصلاة والسلام على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم فمن نجا من هذه الأحوال زحزح عن النار ونجا منها أدخل الجنة وأما من لم ينجو وسقط فقد خاب وخسر وكانت جهنم مصيرا له لأنه ليس بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي يوم القيامة بإيمان بالله ورسوله وهذا لا يكون إلا بمعرفة وعلم أي معرفة الإيمان والإسلام والثبات عليهما. Donc le cheikh il dit, et le pont qui sera dressé sur l'enfer au jour de la résurrection, eh bien ce sera un pont, c'est un pont qui est plus mince qu'un cheveu, plus fin qu'un cheveu, et il est plus aiguisé qu'un épée. Et les hommes vont passer sur ce pont selon leurs œuvres. Et donc il y en aura qui vont passer à la vitesse de l'éclair. Il y en a d'autres qui vont passer à la vitesse du vent, et d'autres vont passer à la vitesse d'un cheval de course, et d'autres vont passer à la vitesse, hein, de gens qui rampent, d'autres à la vitesse de gens qui marchent, et ainsi de suite. Il y en a qui vont se traîner même sur le pont. Et les prophètes, alayhi salatu wa salam, vont se tenir de chaque côté de ce pont, et ils vont dire, oh Allah, sauve, sauve, hein. Et celui d'entre les gens qui va être sauvé de ces moments effrayants, sera sorti de l'enfer ou sauvé de l'enfer, et il entrera au paradis. Tandis que celui qui ne sera pas sauvé et qui tombe, hein, il va tomber dans l'enfer, eh bien il aura perdu. Il aura perdu, et il dit sa destination sera l'enfer, parce qu'il n'y a il n'y a pas après cette demeure, c'est-à-dire après ce bas monde, excepté le paradis ou l'enfer. Et donc celui qui aimerait être sauvé de l'enfer et entrer au paradis, alors qu'il vienne au jour de la résurrection avec sa foi en Allah la foi en Allah et son messager, et pour que cela se produise, c'est-à-dire pour que tu puisses arriver au jour de la résurrection avec la foi, eh bien, il faut que tu aies la connaissance, hein, et la science, c'est-à-dire la connaissance de l'islam, la connaissance de la foi, la connaissance de l'islam, et que tu dois rester ferme sur l'islam et sur la foi. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith, il dit « وَلْيَأْتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى » Et ça, c'est la suite du hadith précédent. « وَلْيَأْتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. Donc ça, c'est la fin du hadith précédent qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La fin du hadith, ça dit et agis avec les gens, ou donne aux gens ce que tu aimerais que les gens te donnent, hein, en voulant dire agis avec les gens comme tu veux que les gens agissent avec toi. Et il dit, celui qui donne allégeance à un dirigeant, il lui a donné sa main, il lui a donné le fruit de son cœur, alors qu'il l'obéisse comme il est capable. Il dit, mais si un autre vient pour lui disputer le pouvoir ou l'autorité, alors frappez le coup de l'autre. Hein, frappez le coup de celui qui vient pour disputer l'autorité du premier. Hein? Celui qui vient, alors frappez son coup. L'autre qui vient frapper son cou. Donc, le cheikh, il explique la fin de ce hadith. Il explique, il dit, « وَقَوْلُهُ وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ أَيْ يُعَامِلَ النَّاسِ مِثْلَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوهُ فَيَكْرَهُ الشَّرْ لِلنَّاسِ كَمَا يَكْرَهُهُ لِنَفْسِهِ وَفِي الْحَدِيثِ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما الذي يريد الشر للناس واحتكار الخير لنفسه فهو متوعد بعدم دخول الجنة لأن الله شرط شروطا لدخولها وهي الإيمان بالله ورسوله والموت على ذلك ففي الحديث الدعوة والحث على الالتزام بطاعة الله ورسوله واجتناب الفتن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن التزم بذلك ختم الله له بالصلاح وكان من أهل الجنة. Donc le cheikh, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne aux gens ou agis avec les gens comme tu veux que les gens agissent avec toi, eh bien, c'est-à-dire donc que tu agis, hein, tu donnes aux gens et tu traites les gens comme tu aimerais que les gens te traitent, et tu détestes pour les gens ce que tu détesterais pour toi-même. Et donc il dit, c'est comme l'autre hadith qui dit, nul n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que celui qui veut du mal pour les gens et qui veut garder le bien pour lui-même seulement, celui-là, il est sous la menace de ne pas rentrer au paradis. C'est-à-dire, toi, tu veux le bien pour toi, puis tu souhaites le mal aux autres. Tu veux le mal pour les autres, juste pour toi. Le bien, tu veux seulement pour toi. Ça, c'est le chemin pour ne pas rentrer au paradis. Hein? Allah al-musta'an. Donc, le cheikh, il dit, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi des conditions pour pouvoir rentrer au paradis. Et parmi les conditions, c'est d'avoir la foi en Allah et en son messager et de mourir sur ça. Donc, il y a dans le hadith une incitation à s'accrocher à l'obéissance d'Allah et de son messager et à s'écarter des tribulations et des problèmes et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et quiconque s'accroche à cela, Allah va lui faire avoir la bonne fin, et il sera parmi les gens du paradis. Il dit, وقوله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. هذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم البيعة للإمام. ولا تكون البيعة من كل الناس بما فيهم الصغار والكبار والنساء، وإنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء، ومن عداهم تبعا لهم، ومن عداهم تبعا لهم، لأنهم ينوبون عن الناس بذلك. ولا يكون هذا الأمر بالانتخابات كما هو حاصل في الدول الكافرة، وإنما يكون بالبيعة الشرعية. On va s'arrêter ici, on va traduire cette partie. Le cheikh, il dit, celui donc qui a donné l'allégeance au dirigeant, il lui a donné yani sa main et le fruit de son cœur, alors qu'il l'obéisse, il est capable. Et donc ça, c'est parmi les causes d'être sauvé des épreuves et des fitanes, c'est que tu restes, tu respectes l'allégeance que tu as donnée au dirigeant. Tu respectes l'allégeance que tu as donnée au dirigeant, c'est-à-dire la bay'a. Et il dit que la bay'a, c'est pas quelque chose que tout le monde donne. C'est-à-dire, c'est pas toute la population qui donne la bay'a au dirigeant. Les petits, les grands, les hommes, les femmes, non. C'est pas tout le monde. C'est seulement les gens qui ont un poste de responsabilité et qui ont un certain statut dans la société, dans le sens que c'est les gens haut placés, les savants, les gens qui ont une influence dans la société. C'est eux qui donnent l'allégeance aux dirigeants, pas toute la population. Donc les ulama, les maires, les responsables de chaque tribu, de chaque ville, les chefs de la société, c'est eux qui donnent l'allégeance aux dirigeants, et c'est comme si eux, ils représentent le reste de la population. C'est comme s'ils représentaient le reste de la population. Les autres n'ont pas besoin de donner l'allégeance aux dirigeants. D'accord? Et donc, cette bay'a, cette allégeance qu'on donne aux dirigeants, ça ne se fait pas par voie des élections ou par vote. Le cheikh, il dit, la yakunu hadha al-amr bil intikhabat. Donc ça fait intikhabat, c'est le vote, ou qu'est-ce qu'on appelle en français, on dit le vote, ou on dit le, un autre mot, j'ai oublié. Donc c'est pas par le vote, c'est pas par les élections ou des trucs de ce genre, contrairement à ce qui se passe dans les pays mécréants, c'est-à-dire les pays de mécréance, il y en a qui utilisent les élections, le suffrage, le suffrage universel comme ils appellent. Il dit wa inna ma yakunu bil bay'ati shar'iyya. Donc dans l'islam, pour les musulmans, c'est par le serment d'allégeance qui est donné aux dirigeants de la part des responsables dans la société, des savants et des hommes de science et des gens importants dans la société. C'est eux qui vont donner aux dirigeants leur allégeance, et une fois qu'ils ont donné l'allégeance aux dirigeants, eh bien ça compte pour tout le reste de la population. Et donc à partir de ce moment-là, il n'est pas permis à quiconque de briser ce serment d'allégeance-là. Il dit فَمَنْ بَايَعَ ثُمَّ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ آخَرْ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُ عُنُقَ الْآخَرْ أي فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ صَدِّهِ وَمَنْعِهِ وَلَوْ بِقَتْلِهِ حَتَّى يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ. Donc le cheikh, il explique que celui qui a donné l'allégeance, puis ensuite il brise son allégeance, c'est-à-dire il revient sur son allégeance, eh bien c'est comme si il s'est fait du tort à lui-même. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si un autre vient pour lui disputer le pouvoir, alors frappez-lui le cou, c'est-à-dire il faut qu'il soit tué, il faut qu'il soit exécuté. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui sort contre le dirigeant, il faut absolument l'empêcher et le repousser, même si cela nécessite de l'exécuter, cet homme, ou de le tuer, pour que les choses continuent à être en ordre. Hein? Et il dit, il cite le verset, كما قال تعالى, كما قال الله, وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. C'est-à-dire le verset 9 dans sourate Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si deux groupes d'entre les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si l'un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et donc le cheikh il explique, il dit: فتجب المقاومة أصحاب الأفكار الخبيثة ودعاة الفتنة الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان المسلح أو يبثون الأفكار التي تفرق بين المسلمين بدعوى الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة فيسمون عملهم الخبيث جهاد في سبيل الله وطلبا للشهادة يعني ليغروا بذلك شباب المسلمين وضعاف الأنفس والعقول. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire de combattre et d'affronter, d'opposer les gens qui ont des mauvaises idées, mauvaises pensées parmi les gens qui appellent à la fitna, comme ceux que le cheikh a mentionné tout à l'heure, les gens du takfir et les différents groupes de khawarij et autres, ceux qui divisent la parole des musulmans et qui se lèvent en désobéissance avec des armes, ou bien qui propagent des idées pour diviser les musulmans au nom de l'appel au djihad dans le sentier d'Allah, ou de l'appel à chercher ou à vouloir obtenir le martyr, le fait de devenir martyr, comme ils prétendent, parce que ces gens-là prétendent que quand ils combattent les gouvernements musulmans et les dirigeants musulmans, qu'ils sont en train de faire le djihad, et que s'ils meurent dans ce sentier-là, ils pensent qu'ils vont être martyrs, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec le djihad, et que c'est certain que s'ils combattent contre les gouvernements musulmans, ils ne seront jamais martyrs s'ils meurent dans cette situation-là, puisqu'ils combattent dans le sentier de la désobéissance d'Allah et de son messager. Donc celui qui combat contre le dirigeant, il désobéit à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne sera jamais martyr. Hein? Il combat sur la voie du shaitan et non pas sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils appellent leur action djihad, et ils pensent qu'ils disent aux jeunes qu'ils cherchent à être martyrs pour tromper les jeunes et les gens qui ont une faiblesse dans leur personne ou dans leur raison, des faibles d'esprit. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'ils font n'a rien à voir avec ça. Après, le cheikh il dit walahu, yani l'imam muslim fi sahihi, an Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Donc le cheikh il cite un autre hadith qui a rapport avec les fitanes. C'est rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: précipitez-vous ou dépêchez-vous à faire des bonnes œuvres, parce qu'il y a des épreuves et des problèmes ou des épreuves qui vont se produire, qui seront comme des tranches des ténèbres de la nuit. C'est-à-dire c'est des épreuves sombres et ténébreuses, hein, difficiles, dans lesquelles un homme va se lever croyant et il va se coucher mécréant, ou il va se coucher croyant et il va se réveiller mécréant. Au matin, il sera mécréant. Et il va vendre sa religion pour une petite portion de la dunya. Pour une petite portion de la dunya. Le cheikh, il dit, وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُثْلِمِ فيه الحث على المبادرة أي المسارعة وانتهاز الفرص بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات وعدم تضييعها وترك التكاسل والخمول قبل مجيء الفتن فإن عمر الإنسان أياما معدودة فما دمت معافى في بدنك وفي أمن واستقرار فسارع إلى الاشتغال بالطاعات لأنه إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا أي استقبلوا بالأعمال قبل حدوث هذه الفتن فإن الإنسان إذا كان في أمن واستقرار عمل. On va traduire ça, après on va continuer. Le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, précipitez-vous, dépêchez-vous à faire des bonnes œuvres avant que les fitan, qui sont comme des ténèbres de la nuit, se présentent. C'est-à-dire qu'il incite à se dépêcher, hein, à profiter des occasions pour faire plus de bonnes œuvres et des actes d'obéissance et de ne pas les gaspiller, c'est-à-dire pas gaspiller le temps. Et de délaisser la paresse, hein, et yani de délaisser la oisiveté, hein, yani avant que les troubles et les tribulations se présentent. Parce que l'être humain, ses jours sont comptés. L'être humain sur terre, ses jours sont comptés. Et tant que tu es en santé et que tu es en bonne forme physique, et que tu es en situation de sécurité et de stabilité, eh bien dans ce cas-là, précipite-toi et dépêche-toi à occuper ton temps par l'obéissance. Parce que lorsque les fitan, les troubles vont arriver, elles vont t'occuper, et elles vont te distraire ou t'empêcher de profiter des bonnes œuvres, de faire des bonnes œuvres. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépêchez-vous à faire des bonnes œuvres, avant que arrivent des différentes fitanes et des problèmes et des troubles. Parce que l'homme, lorsqu'il est dans une situation de sécurité et de stabilité, il peut faire des œuvres. ولكن فإذا جاءت الفتن ألهته عن العمل وربما دخل فيها وقد وصفها صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل المظلم وهذا يعني أنها في شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها كقطع الليل يلبس على المرء طريقه فلا يبصر الإنسان في الفتنة الطريق الصحيح. Le cheikh, il dit, ces tribulations, lorsqu'elles arrivent, elles vont te distraire ou t'éloigner des bonnes œuvres. Et peut-être même que tu vas rentrer dans la fitna. Et il dit, le prophète a décrit la fitna comme étant des tranches des ténèbres de la nuit. Ça veut dire que elles sont tellement dures, tellement graves, tellement sombres, ténébreuses, que quand tu rentres dans cette fitna, tellement il fait noir, c'est comme la nuit, tu peux pas distinguer qu'est-ce qu'il y a. Donc ton chemin devient, hein, comme confus, c'est-à-dire tu vois plus le chemin une fois que tu es rentré dans cette fitna, à cause du fait qu'elle est tellement ténébreuse, tellement sombre, tu peux plus distinguer dedans qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce qu'il y a le droit chemin, où est-ce qu'il est le faux chemin, le chemin de l'égarement. Tout est confus, tout est sombre, tout est noir. C'est comme si tu es dans un endroit la nuit, et qu'il fait noir, t'as pas de lumière et tu vois des il y a plusieurs chemins, tu vois pas lequel est le bon. Hein? Eh bien, la fitna, c'est comme ça. Et souvent, tu vois des gens comme ça. Quand il y a des fitnes qui se produisent, quand il y a des situations qui se produisent, c'est des gens qui sont sur la sunna, qui sont sur le droit chemin, mais lorsqu'ils arrivent dans la fitna, ils deviennent perdus, ils ne savent plus distinguer le vrai et le faux, et tu les vois faire n'importe quoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une fitna. Ils ne peuvent plus retrouver le droit chemin facilement. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la fitna. Parce que le résultat de la fitna, c'est ça. C'est que tu t'égares. Tu t'égares à cause de l'ignorance ou des passions ou de toutes sortes d'autres choses qui te font ne plus être capable de distinguer entre le droit chemin et les chemins de déviation et d'égarement. Il dit « Siyama wa anna ahla ash-shurur » يتفننون في إدارة هذه الشرور ويلبسون على الناس وقد أخبر الصادق المصدوق أنها فتن وليست فتنة واحدة والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل الناس فكثير من الناس يقبلونها ويغترون بها ولذلك فإن المسلم يختطفه الخطر يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والسبب أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا إما بقبول هدية أو وظيفية أو عرض من عرض الدنيا من عرض هذه الدنيا الزائل فيكون ذلك ثمنا لتركه دينه نعم الله المستعان. Donc le cheikh, il dit, en particulier les gens du mal, ils sont devenus des artisans dans la façon de gérer toutes ces différentes mauvaises choses qui se produisent pour mélanger les gens et les confondre dans leur religion. C'est comme le cheikh dit, c'est devenu des artisans, c'est des professionnels pour créer de la confusion et des fétanes et des choubouhats pour les gens. Il y a des gens comme ça, tu les vois, c'est des maîtres. Il te prend la tête, il te la renverse à l'envers. Oui. Et qu'est-ce que tu connaissais, hein? Que ça c'est la vérité et ça c'est le faux. Lui, il te le met à l'envers. Il te fait paraître le faux comme si c'était vrai, et il te fait paraître le vrai comme si c'était faux. Et tu comprends plus rien. Et tu sais pas comment il fait. Hein? Parce qu'il y en a, c'est des maîtres là-dedans. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il faut pas penser, moi je suis fort, moi j'ai étudié, hein? J'ai étudié le il, donc je suis préservé de la fitna. Hein? J'ai lu les livres des mashaykh et des ulama. J'ai étudié l'aqidah, j'ai étudié le tawhid, j'ai lu les livres de la sunna et des imams de la sunna, hein. J'ai écouté les durus des mashaykh. Ça y est, j'ai compris le manhaj. Je peux plus m'égarer. Il y a personne qui est préservé. Il y a personne qui est protégé à 100% de la fitna. Ça peut tomber sur n'importe qui. C'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention de pas rentrer dans les fitnes. Mais on a beau avertir les gens et dire aux gens, n'entrez pas dans les fétanes, n'entrez pas dans les fétanes, les gens ils rentrent quand même dans les fétanes. On dit aux gens, n'allez pas avec les gens de bid'a, ne rentrez pas avec eux, discutez pas avec eux, n'entrez pas dans des débats avec eux, ils rentrent quand même avec eux, ils discutent avec eux, ils rentrent dans des débats avec eux, et ainsi de suite. Et puis tu les retrouves quelques temps après, et puis qu'est-ce qu'ils connaissaient, maintenant ils sont en train de le combattre. Tu vois que ce qu'il défendait hier, aujourd'hui il le combat. Qu'est-ce qu'il combattait hier, aujourd'hui il le défend. Et c'est pour ça que certains, même d'entre les salafs, je pense que c'était Hudhayfa, hein, radiyallahu anhu, qui disait, l'égarement, le vrai égarement, c'est que tu condamnes ce que tu défendais et que tu défends ce que tu condamnais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tes repères sont complètement inversé. Tout ce que tu connaissais de la religion, tu l'as mélangé. C'est devenu mélangé, confus pour toi. Donc tu défendais la haqq, maintenant tu défends le batil. Tu condamnais le batil, maintenant tu le défends. Pourquoi? Parce que, yani, t'es tombé dans les fitnes et après tu peux plus distinguer le vrai et le faux. Hein? Voilà, iyadu billah. Donc le shaykh, il dit, wa idha adbarat. Donc il dit la fitna. Une chose qui est à propos des fitnes. Comme le shaykh, il dit que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fitnes, c'est pas juste une fitna, c'est des fitnes, hein. C'est-à-dire, c'est pas une fitna, c'est des fitnes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le pluriel pour décrire le terme des fitnes. C'est-à-dire, il a pas dit qu'il y aura une fitna, puis qu'après ce sera fini. Non, il y aura plusieurs fitnes. Plusieurs. Et il dit que les fitnes, quand elles arrivent, personne les reconnaît excepté les ulamas. Puis, une fois qu'elles sont parties, tout le monde les reconnaît par la suite. Donc, les ulama, ils voient la fitna qui approche, ils le sentent déjà, ils la voient déjà. Parce que la fitna, elle arrive, hein, pas d'un seul coup. Souvent, il y a des signes qui annoncent son arrivée. Hein. Et il y a toujours, hein, à chaque période, il y a toujours des choses que tu entends. Et des fois, tu te dis, mais subhanallah, on dirait qu'il y en a des ingénieurs derrière ça. Le shaitan, il place des gens là, hein, pour semer des graines là, ici et là, pour faire pousser des fitnes un peu partout. Et là, nous on le sait pas, on fait pas partie des ulama, mais les ulama ils le savent, hein. C'est comme on dit, il y a pas de fumée sans feu, hein. Donc eux ils voient la fumée. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a quelque chose qui arrive quelque part dans le monde, aussitôt les gens vont prendre le téléphone pour appeler les ulama, ou bien ils vont partir et téléphoner, ou ils vont partir et aller directement les rencontrer pour leur dire, cher, chez nous il y a telle chose, il y a une personne, il appelle à telle idée, ou il dit telle chose, ou il propage telle chose. Donc eux, ils sont là, ils reçoivent des appels du monde entier, hein, des questions sur des sujets ou des choses qui se passent. Quand il y a une fitna, ils le savent tout de suite. Ils sont informés de tout, qu'est-ce qui se passe dans le monde, sur le plan de la religion. Et donc, depuis qu'il se passe quelque chose, peu importe où est-ce que ça peut se passer, ils le savent. Et donc, c'est pour cette raison-là, eux, ils reconnaissent ces fitanes quand elles commencent au tout début. Ils voient quelqu'un ou ils entendent quelqu'un qui dit des choses ou qui fait des choses. Ils disent, ah, ça va causer de la fitna. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ou les choses qu'il est en train de propager, et les choses qu'il commence à, les choses qu'il fait, ça va créer de la fitna. Hein? Les gens, les autres personnes, ils savent rien. Hein? Ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe et ils savent même pas qu'est-ce qui arrive. Et la fitna, elle, hein, par la suite, elle commence à se propager et là, elle devient répandue, elle est partout. Hein? Les ulama, ils le savaient déjà à l'avance. Et quand elle est là, les ulama, ils la réfutent, cette fitna. Et ils la clarifient. Et ils expliquent aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et les gens, hein, lorsqu'ils ont compris, là, hein, la fitna, elle se dissipe et elle disparaît. Et là, quand elle est partie, quand elle est finie, les gens disent, oh, il y avait une grosse fitna, hein. Il y avait une grosse fitna qui vient de se produire. Ah, oh, subhanallah. Eux, c'est après, quand c'est fini, ils réalisent qu'il y avait la fitna. Hein? Peut-être même ils étaient dedans, en plein dedans. Il y a beaucoup de gens comme ça. Subhanallah. Donc il faut vraiment faire attention. Il dit, beaucoup de gens, ils acceptent la fitna, et ils sont trompés par la fitna. Il dit, c'est pour ça que tu vois des musulmans, ils se font attraper complètement par la fitna. Au point où le croyant, il se lève croyant, et le soir il est mécréant. Et l'autre, il est, yani, le soir il est mécréant et le matin il est croyant. Donc c'est pour dire que ça se passe très vite. C'est des choses qui arrivent vite et que des fois tu réalises même pas. Et la cause de ça, c'est parce que tu vas vendre ta religion pour quelque chose de la dunya. Soit que tu vas accepter un cadeau, soit que tu vas accepter un emploi ou un poste, ou quelque chose de la dunya qu'on va te donner parmi les choses futiles ou éphémères de la dunya. Hein? Et ça, ça va te causer que tu vas abandonner à cause de ça ta religion. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quelqu'un il peut venir comme ça, il t'offre un travail, il t'offre un poste, et te dit tu vas gagner 150 000 dollars par année. Mais dans ce travail, peut-être que tu dois faire des choses qui sont contraires à l'islam, contraires à ta religion. Mais c'est très tentant, hein? 150 000 dollars par année, tu vas dire, comment je peux manquer? Comment je peux laisser passer cette occasion-là? Je vais être bien, je vais être aisé, hein? Je vais être riche, je vais pouvoir vivre, hein? Alors que yani, subhanallah. Mais par contre, tu vas être obligé de faire plein de choses qui sont contraires à ta foi, ta religion, peut-être même contraires au fondement même de la religion. Barakallahu fik. Qu'est-ce que tu dis là, c'est exactement un exemple parfait de qu'est-ce qu'on mentionne. Parmi les ikhwan, il y en a parmi eux qui pensent qu'ils vont pouvoir établir la charia de l'islam ou un état islamique en faisant des hautes études dans le but d'arriver à avoir des postes élevés dans les gouvernements non musulmans, dans les pays non musulmans, ou bien des fois c'est dans le fait de vouloir rentrer dans la politique, dans la démocratie, pour essayer de justement avoir un siège soit au parlement ou autre. Et donc une fois qu'ils arrivent à ces endroits-là et à ces choses, dans ces choses-là, eh bien, ils s'imaginent, par exemple, qu'ils vont être capables de faire quelque chose pour changer la situation pour le mieux. Ça, c'est s'ils étaient sincères, vraiment. Mais une fois qu'ils sont dans ces postes-là ou dans ces situations-là, ils sont pris par le contexte et la situation. Ils peuvent rien changer. Et c'est eux qui changent. Hein? Et ils sont obligés de rentrer dans le jeu de... de cette situation-là dans laquelle ils sont, et finalement, comme tu dis, ça devient une fitna pour eux. Hein? Ça devient une fitna pour eux. C'est clair. Non. Donc c'est ça. Des gens qui disent il nous faut, je sais pas de quoi ils parlent. Franchement, c'est un délire total. Parce que ça, c'est des gens. Ils pensent qu'ils sont des réformateurs. Ils pensent qu'ils vont réformer l'islam, puis ils voient par exemple, étant donné que eux, c'est des gens qui ont dans leur cœur, ils ont accepté toutes sortes d'innovations et de bid'ah, ils ne peuvent pas distinguer entre le vrai islam et la bid'ah. Donc, ils pensent que tout ce qui vient des pays musulmans, c'est retardé, c'est rétrograde, c'est pas bon. Hein? Parce qu'ils disent, regardez l'état dans lequel... on est dans les pays musulmans, on n'est pas avancé comme les pays occidentaux. Ça veut dire que l'islam qu'on suit dans ces pays-là, c'est pas le vrai islam. C'est comme ça qu'ils pensent. Parce qu'ils disent, si c'était le vrai islam, on serait pas, on n'aurait pas un recul sur le plan technologique ou sur le plan économique ou sur le plan social. Ils jugent tout sur un plan matérialiste. Hein? Parce que en réalité, c'est ça, c'est des matérialistes. C'est des gens matérialistes. Et donc, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas accepter l'islam tel que Allah l'a révélé, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux sahaba. Non, ils veulent un islam qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions. Hein? Et donc, c'est comme pour dire, nous on est en Occident, on est avec des koufars qui ont un avancement technologique et des gens qui roulent en BMW, et en Ferrari, et puis c'est un homme par exemple qui vit dans une tente dans le désert avec un chameau qui va nous apprendre l'islam. C'est comme ça qu'ils pensent, hein? Alors c'est à dire c'est comme pour eux une personne qui vit d'une façon simple comme ça et qui est pas moderne selon leur définition, il peut pas détenir la vérité. Il faut, pour avoir la vérité, vivre comme le kafir et penser comme eux et vivre comme eux. Et donc ça fait partie des fitan, ça fait aussi partie des épreuves et des fitan, parce que les gens qui ont une faiblesse dans leur cœur, dans leur croyance, dans leur foi, ils sont troublés par ce genre de choses. Ils sont troublés par ce genre de choses. Parce qu'ils voient les choses de façon superficielle, juste par l'extérieur, juste par l'apparence. Et ils ne sont pas capables d'aller plus loin, hein, au fond des choses pour réaliser la réalité des choses. Et donc ça devient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ça devient une fitna. Il y a un autre hadith, on peut lire ce dernier hadith pour aujourd'hui, on finira avec ce hadith là. C'est un hadith qui n'est pas long. Ça dit وَلَهُ يعني في الإمام مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعا العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي. C'est un hadith rapporté par l'imam muslim selon Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah, hein, de faire l'adoration dans le harj. Et on va expliquer que le harj, c'est lorsqu'il y a beaucoup de meurtres et de tueries. Donc de rester ferme dans l'adoration d'Allah dans les époques ou dans les périodes de fitan, ou dans lesquelles il y a beaucoup de meurtres et beaucoup de gens qui sont tués. C'est comme si tu faisais une hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu avais émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu fais ça. Et donc on va expliquer ce hadith-là. L'explication de Cheikh ici, de Cheikh Al-Fawzan de ce hadith, il dit « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi ma'aqil al-ibadatu fi al-harj ka hijratin ilayya al-harj al-qatl al-ladhi yahsulu fi al-fitan » Donc, al-harj, c'est les tueries et les meurtres qui se produisent dans les époques de tribulation et de troubles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit dans un autre hadith, il dit « Hatta la ya'rifu al-qatil lima qatal, wala al-maqtul lima qatil » C'est-à-dire, jusqu'à ce que, yani, à un tel point, hein, ça, la fitna arrive à un tel point, que celui qui tue, il ne sait même plus pourquoi il a tué, et celui qui s'est fait tuer, il ne sait pas pourquoi il s'est fait tuer non plus. Hein? Donc ça, c'est grave. Et c'est ça qui se passe actuellement. Hein? Dans beaucoup de pays. Hein? Allah musta'an. Tu voulais dire quelque chose? Ah, okay. Et il dit, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَشْتَغِلُونَ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ. Beaucoup de gens, ils s'occupent à juste faire couler le sang et répandre le sang. Il dit, وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ حَثَّ عَلَى الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِ الْهَرَجِ لِكَثْرَةِ ثَوَابِهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité aux gens de faire beaucoup d'adoration dans des situations, dans des périodes comme ça. Quand il y a beaucoup de tueries et des gens qui se font tuer comme ça, c'est une période dans laquelle il faut augmenter l'adoration, faire plus d'adoration. Et il y a beaucoup de récompenses à ce moment-là lorsque tu fais ça. Il dit وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّهَا كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ. C'est comme si tu faisais une hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Il dit وَالْهِجْرَةُ مَعْلُومٌ فَضْلُهَا. Et le mérite de la hijra, il est connu. Hein? C'est quelque chose qui est connu, ça a un grand mérite de faire la hijra. Il dit فَالَّذِي يَنْشَغِلُ بِالْعِبَادَةِ فِي وَقْتِ الْهَرَجِ وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْفِتَنِ يَكُونُ كَمُهَاجِرٍ لِلنَّبِي sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit celui qui, pendant les périodes de tuerie et les périodes de fitan, il s'éloigne des fitan et il se consacre à l'adoration, c'est comme quelqu'un qui a fait une hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quelque chose de méritoire. Il y a des fois dans les pays par exemple où il y a une fitna qui éclate, une révolution, et ou bien un coup d'état, et il y a plein de tribulations par la suite. Il y a des partis, des groupes, chacun ils se combattent les uns les autres. Ils appellent tout le monde à venir les rejoindre pour combattre, hein, les opposants ou ceux qui ne sont pas avec eux. Alors ils viennent pour amener tout le monde, pour dire viens, tu vas faire partie de notre armée, tu vas aller combattre les autres, comme en Libye par exemple, ou ailleurs en Syrie, hein. Des fois ils viennent, ils frappent dans les maisons, ils prennent tous les hommes, ils les amènent avec eux pour combattre, hein. Donc celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans des périodes de fitan comme ça, fermez vos portes de vos maisons, restez à l'intérieur et puis vous sortez pas, vous bougez pas, hein. Vous consacrez à l'adoration. Et il dit فوجه الشبه أن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المسلم الذي عصر الفتنة فتركها وأقبل على عبادة ربه فهذا فذاك يعني هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة. Donc il dit la ressemblance qu'il y a entre celui qui abandonne la fitna et celui qui fait la hijra, c'est, il donne l'exemple que celui qui fait la hijra, il quitte son pays, il sort de son pays, il quitte l'endroit où il est pour s'enfuir avec sa religion vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le musulman qui vit dans un endroit où il y a la fitna, il délaisse la fitna et il se tourne vers l'adoration de son Seigneur, hein? Donc celui-là, c'est-à-dire le premier, il a quitté la terre de shirk vers la terre de l'islam pour faire la hijra, et l'autre, il a fait la hijra, c'est-à-dire il a abandonné la fitna, il s'est écarté de la fitna pour se consacrer à l'adoration. C'est ça la ressemblance qu'il y a entre les deux. Et il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه فهذا يعتبر مهاجرا لأنه هجر ما ترك هجر وترك ما نهى الله عنه. Donc le cheikh il cite le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que le musulman, le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont protégés ou épargnés du mal de sa langue ou de sa main. Et le muhajir, le vrai muhajir, c'est celui qui a délaissé ce que Allah lui a interdit. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ça veut dire que la hijra, c'est pas juste de quitter un pays pour aller vers un autre, mais c'est plutôt de délaisser ce que Allah t'a interdit. D'accord? Ça c'est le sens de la hijra, un des sens de la hijra. Donc c'est sûr que tu quittes un pays de shirk vers le pays de l'islam, mais même si tu quittes le pays de shirk vers le pays de l'islam, une fois dans le pays de l'islam, tu dois délaisser ce que Allah t'a interdit. C'est pas logique que tu quittes le pays de shirk pour te préserver dans ta religion, tu vas dans un pays musulman, puis une fois arrivé dans le pays musulman, tu fais des péchés que peut-être dans le pays de shirk tu faisais même pas. Et ça c'est arrivé à des gens, hein? Allah musta'an. Personnellement j'ai connu des gens, subhanallah, ils ont fait des choses dans les pays musulmans, j'ai entendu des choses comme ça, des gens qui ont fait des choses dans les pays musulmans, ils ne faisaient même pas dans les pays non musulmans, hein? Donc tu dis mais comment, tu quittes les pays de shirk et de kufr pour aller dans les pays musulmans, puis dans les pays musulmans tu fais des choses comme ça, alors que quand tu étais chez les kuffars tu ne faisais même pas ça. Et ça c'est laid, hein? Et le cheikh dit wa ya'ni tarku ma naha Allah anhu fa hadha yu'tabaru muhajiran li'annahu hajara wa taraka ma naha Allah anhu. Donc il dit, c'est-à-dire que il délaisse ce que Allah lui interdit, et donc dans ce cas-là il est considéré d'une certaine façon muhajir parce que il a délaissé ce que Allah lui a interdit. Et le mot hajr ou hijra, ça signifie de délaisser, d'abandonner, hein, de se séparer. Et donc ici ensuite il dit وهذا الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على اعتزال الفتن وهذا لا يعني ان لا يحذر الناس منها بل يتركها في نفسه وينهى عنها كما يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. Et il dit, pour terminer, que parmi les bienfaits de ce hadith-là, il y a l'incitation à se séparer et à s'écarter des fitanes. Et il dit que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avertir les gens de cette fitna, mais il va lui-même s'en écarter et il va interdire aux autres de tomber dedans, de la même manière qu'il aime pour lui-même de ne pas y aller tomber dedans, donc il ne doit pas l'aimer pour les autres également. Donc ça c'est ce qui complète aujourd'hui le cours, et on continuera demain inchallah, pas demain, la semaine prochaine,